nous est arrivé, on passait tant de temps ensemble, à jouer à qui se dissemble, ça semble, à joindre nos coutumes si opposées. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'a tout changé? Maladresse banale au détour d'une parole, ça s'est usé si vite pour en venir à ce petit ras-le-bol. Est-ce qu'on peut encore recoller les morceaux brisés? Chaque jour il fallait qu'on se parle. Un bonjour, ça va, t'as mangé quoi? Le téléphone ne nous servait qu'à ça, sinon on se filait des rancards dans un bar. Des amitiés comme ça, j'en ai connu des cas. Chaque fois elles se nourrissaient d'une nuit qui passe, mais elles crevaient toujours. Et ce qui m'agace, c'est que j'ai beau chercher, je sais jamais pourquoi. J'y repense souvent et je balaye tout ça. J'ai pas écrit de chanson depuis au moins 6 mois. Alors je parle pour ne rien dire, je cherche des choses qui font mal. Je trouve que ça à dire, et c'est déjà pas mal. Je traîne mon spleen de la fenêtre au fauteuil, j'attends un signe qui ne viendra pas. Je me ronge les sangs, je ferai n'importe quoi pour que pour une fois ça ne finisse pas en deuil. Je joue des pierres, les défis, je consolide, vide et je note les sourires. Ce n'est peut-être qu'une petite façade de soupir. Y'a peut-être un lendemain qui s'annonce moins factice. J'y repense souvent et je balaye.